Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Présidentielle américaine, si l'un des deux prétendants remporte l'Ohio, il est quasiment sûr d'être élu. Pour Barack Obama et Mitt Romney, tout se joue dans l'Ohio. Yo, yo, on cherche du boulot. C'est pas possible. Le premier ministre japonais Yoshihiko Noda affirme que l'État pourrait cesser de fonctionner rapidement, faute de financement. Si l'État ne fait rien, il affirme que le Japon a du sushi à se faire. Dans une interview au Times, Zaya revient sur sa relation payante avec le footballeur Franck Ribéry. Il n'était ni galant, ni aimable, ni gentil, nous confie l'ancienne co-girl, Zaya Balance et Ribéry. La tempête Sandy frappe en ce moment la côte est des États-Unis avec des rafales de vent impressionnantes. Et ouais, c'est pas des petites rafales de merde de 50 km/h. Non, ça c'est sûr, effectivement. Et pour terminer, si vous aimez la gastro et la bière danoise, buvez de la Kakaosberg. Mickaël à la radio, le replay. Luciano est avec nous de Charleroi. Salut Luciano. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, tant mieux. Alors, sois le bienvenu. Luciano. Alors, Luciano, tu as 21 ans, toi, c'est bien cela? Oui, bien ça, oui. Oui, tant mieux, parfait. Non, mais c'est pour être sûr, hein, effectivement. Et tu viens de Charleroi? Oui, c'est bien ça. Parfait. Bon, alors, Luciano, on va jouer ensemble. Ni oui, ni non, ni que. Il faut que tu discutes avec Aline pendant une minute maximum, que tu ne dises pas ces mots, mais que tu fasses tout pour le lui faire dire, d'accord? Ok. Si tu y arrives en moins d'une minute, c'est gagné, l'iPod est pour toi. Sinon, évidemment, ce sera perdu. On y va, 7h23, c'est parti. Luciano? J'écoute. Ça va? Bien. Moi aussi? J'ai dit... je vais bien également. Ok. Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais travailler. Tu travailles dans quoi? Dans la mécanique. T'aimes bien? Bien sûr. Pardon? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Tu travailles là-bas depuis quand? Vous pouvez réparer la voiture d'Aline? Pardon? Tu travailles dans la mécanique depuis quand? Ça fait un an. Un an? Oui. Ah, oh ouais. Yes! Eh oui, c'est perdu malheureusement. Ah là là là là là là. Quel drame. Mais oui. Non, mais c'était bien joué, effectivement. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti, question existentielle à base de pain. De pain, oui. Oui. Je me suis posé la question de pourquoi est-ce que quand un pain est chaud, on dit qu'il est frais alors que ça n'a aucun rapport. Voilà, au final, c'est l'inverse. Bah oui. Enfin, vrai, le pain, quand il est chaud, il est chaud. Et quand il est frais, il est froid. Voilà, c'est ça, forcément. Donc, on va appeler la framerie. Allons-y. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Vous êtes quoi, ce nurse, non? Non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça, madame? Allô? Non, elle t'a raccroché. Je cherche pas plus qu'elle, c'est pas grave. Bah oui, effectivement, framerie, ils sont très sympathiques. On rappelle. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Voilà. Et en fait, je vous appelais donc parce que j'avais une petite question à vous poser. Quelle question? Ben, en fait, je me demandais pourquoi est-ce que quand le pain est encore chaud, on dit qu'il est frais? Peut-être pour que vous fermiez votre gueule, non? Et c'est peut-être pour ça, effectivement. Bon, tiens. Écoute, c'est ce que je vais faire alors. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Les meilleurs messages laissés au 0473 86 0013. On écoute tout de suite le premier message. Bonjour, c'est votre locataire, madame. Voilà, il y a encore du problème avec les voisins. Voilà, ils sont chinois, ils comprennent rien. Et puis, bon, ils commencent à devenir désagréables. Au pire, voilà, ils ont qu'à rentrer chez eux. Voilà, donc j'attends de vos nouvelles. Oh, le vieux rachot envers les Chinois. Ah non, mais... Oui, ils sont désagréables, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Bon, Maître Ping, vous avez un avis par rapport à ça, vous? Peut-être scandaleux, peut-être scandaleux. Que vous avez un restaurant chinois, vous? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc forcément, quand vous entendez des propos comme pareil... T'es honteux. Vous êtes scandalisé, quoi. Complètement. D'accord, ok, très bien. D'ailleurs, je vais lui faire bouffer les nems par le cul. Oui, merci, Maître Ping. Vous me mettrez un 17 et un 33, hein. Je ne t'ai pas. Bah si, moi j'ai pas. Vous cautionnez. Bah non, je cautionne pas, moi. J'aime bien les Chinois. Vous diffusez, vous cautionnez. Mais non, n'importe quoi, voilà, qu'il est relou. Bon, allez, message suivant. Oui, bonjour monsieur, bah, c'est JC l'appareil. Je vous rappelle, concernant mes productions musicales, je peux déjà vous faire écouter quelques secondes de mon premier titre. C'est bien dans l'air du temps, les gens aiment beaucoup, beaucoup ce genre de musique. Je suis pas convaincu non plus, non. Surtout qu'il habite, tu sais, comment on appelle ça? C'est Focodère qu'on appelle le truc. Ouais, il a mis la blinde, tu sais, sur la voix, là, ça fait. C'est ce que je sais, pas chanteur en général qui mettent ça, c'est un truc de ouf. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.